D'ailleurs, automatiquement, nous amène à une autre petite transformation. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'est un nom, un adjectif et un adverbe. Les noms servent à désigner des êtres vivants. On dira alors un homme, un animal, mais ils servent aussi à désigner des choses concrètes, une table, un ordinateur, ou abstraites, comme les sentiments par exemple. Un adjectif est un mot qui sert à donner de la couleur au nom. Ainsi, ce n'est pas la même chose de dire une table que une belle table. Belle est l'adjectif, table est le nom. Quant aux adverbes, il en existe de plusieurs sortes, mais ceux se terminant par « ment », « m-e-n-t » ont, pour la plupart, la même fonction que les adjectifs. La différence est qu'ils assaisonnent les verbes et pas les noms. Donc, ce n'est pas la même chose de dire « il marche » que « il marche rapidement ».« Rapidement » est l'adverbe. Mais assez parlé, voyons notre transformation. Un grand nombre d'adverbes finissant par « ment », « m-e-n-t » en français, se terminent par « mente », « m-e-n-t-e » en espagnol. Mais ce n'est pas tout. Pour les former, vous devez trouver le féminin de l'adjectif leur correspondant et ajouter « mente ». Par exemple, « lentement » se dit « lentamente », car on a pris la forme féminine de « lento » qui est lenta, puis on a rajouté mente. Parfois, les adjectifs sont identiques au masculin et au féminin. Il faut donc garder leur forme unique, puis rajouter tout simplement mente. En faisant cela, vous obtiendrez l'équivalente naturalmente et vous serez totalmente content du résultat. À votre tour maintenant, si rapide se dit rapido, R à accent aigu, P-I-V-O, comment traduiriez-vous « je pense sortir rapidement d'ici » Réfléchissez bien avant de vous lancer. Quel est le féminin de « rapido » ? Rapida. C'est ça. Vous lui ajoutez ensuite « mente » et vous obtenez « rapidamente ». Très bien. Dites maintenant « je pense sortir rapidement d'ici ». Oui, pienso salir rapidamente de aquí. Comme je l'ai déjà expliqué dans les autres méthodes, le verbe pensar cède sous la pression de l'accentuation. Sa voyelle e devient donc ie. On a alors pienso, piensas, piensa et piensan. Seul pensamos, nous pensons, reste identique, puisque l'on n'insiste pas à l'oral sur la syllabe contenant le « e ». Et si vous ne savez plus bien comment les verbes cédant à la pression de l'accentuation fonctionnent, ne vous inquiétez pas, nous reverrons cela plus loin. Revenons à nos mots « mente », qui sont souvent trompeurs. Donc, attention, « cuidado » ou « ojo », comme on dirait en espagnol, qui signifie littéralement « œil » ou « ouvrez grand vos yeux ». Pour retrouver les adverbes en « mente », il faut, comme nous venons de le dire, toujours partir de l'adjectif. Le mettre au féminin ou garder sa forme unique s'il a la même forme au masculin et au féminin. Ainsi, « actuellement » se dit « actualmente » et non « actuellemente », car on part de l'adjectif « actual », « actuel », qui a la même forme au masculin et au féminin. Il en est de même pour « réellement ». L'adjectif est toujours « real » en espagnol. Donc, on obtient « realmente ». Ces adverbes s'écrivent ainsi. A, C, T, U, A, L, M, E, N, T, E et R, E, A, L, M, E, N, T, E. Maintenant que vous êtes prévenu, comment diriez-vous « actuellement » Ce n'est pas possible. Actualmente no es posible. Actualmente no es posible. Et comment diriez-vous « c'est probablement une bonne idée » Es probablemente una buena idea. Es probablemente una buena idea. Pour trouver probablemente, on est parti de probable. Et comment diriez-vous, en partant de exacto et en utilisant ayer, A-Y-E-R pour hier, c'est exactement ce que je t'ai dit hier. Es exactamente lo que te dije ayer. Es exactamente lo que te dije ayer. On a utilisé dije, car on désigne une action qui a été réalisée à un moment précis dans le passé. Dije désigne un point sur la ligne du passé. Et pour terminer, quel est le mot pour finalement? C'est bien sûr finalmente. F-I-N-A-L-M-E-N-T-E, puisque l'adjectif est final et que celui-ci a la même forme au masculin et au féminin. On lui a donc ajouté mente. Révise-le, s'il vous plaît. Finalmente. Finalmente.